ça, ma Dropbox, let's go. Ma Dropbox, ma Dropbox. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de La Trap House. Cette semaine, je suis encore une fois accompagné de Dylan. Hello tout le monde. D'Hugo. Salut. Et de Roman. Salut à tous. Et le programme est un petit peu similaire à la semaine passée. On va commencer par des actus. On va notamment parler de l'EP de Prince Lee et des annonces qui ont été faites cette semaine. En sujet principal, on va traiter les NJP, le Nancy Jazz Pulsation, qui est le festival qui se déroule en ce moment à Nancy. Après, Roman va nous parler du rappeur Maero. Et on va terminer sur un débat, tout ça comme la semaine dernière, parsemé de sons et de blind tests. Et on commence d'ailleurs tout de suite avec Sorcier de SO La Lune, c'est parti. Posté en haut comme un gratte-ciel. J'aime plus trop la ville. J'te vois, t'es pas sincère. Y'a la lune, j'marche seul. C'est l'histoire d'un corps sans cœur. Ah. J'vide toute la taille bave sur le parquet. J'ai passé ma vie à dire j'prépare un truc des pas. Après, viens, on parle pas d'avenir. Demain n'est pas certain. Mais le doute n'a pas sa place. C'est l'histoire d'un corps sans cœur. Tsuki la nanana. Ici c'est 60 eux la mort. Tsuki la nanana. J'ride à ouais à ouais, j'fais rouler belle à belle. Plan sous, j'suis pile à l'heure. La petite elle est sous, ya ya. Tsuki la nanana. Ici c'est 60 eux la mort. Tsuki la nanana. Mon Gucci ou lélélé. J'ride à ouais à ouais, j'fais rouler belle à belle. Plan sous, j'suis pile à l'heure. La petite elle est sous, ya ya. J'vais chercher bonheur dans l'ivresse. J'fly, mais à la fin du vol j'atterris pas. J'monte sur le plan que si c'est double. On est venu crier ce que tu penses tout bas. Mort au port ici y'a rien à fêter. Mais moi j'ai trop aimé les sous pour en faire baba. C'est la cage, j'monte sur le plan que si c'est tout bé. J'fly, mais à la fin du vol j'atterris pas. Elle se demande ce qui se passe dans ma tête. Y'a rien, juste fissure de vie dans la voix. J'ai cherché une fleur, j'ai trouvé une. J'ai vu des choses qui t'auraient fait perdre la foi. Tsuki la nanana. Ici c'est 60 eux la mort. Tsuki la nanana. Mon Gucci ou lélélé. J'ride à ouais à ouais. J'fais rouler belle à belle. Plan sous, j'suis pile à l'heure. La petite elle est sous, ya ya. Tsuki la nanana. Ici c'est 60 eux la mort. Tsuki la nanana. Mon Gucci ou lélélé. J'ride à ouais à ouais. J'fais rouler belle à belle. Plan sous, j'suis pile à l'heure. La petite elle est sous, ya ya. Tsuki la nanana. Ici c'est 60 eux la mort. Tsuki la nanana. Mon Gucci ou lélélé. J'ride à ouais à ouais. J'fais rouler belle à belle. Plan sous, j'suis pile à l'heure. La petite elle est sous, ya ya. Et voilà, c'était Sorcier de SO La Lune. Petit banger, SO La Lune qui était d'ailleurs à La Cigale jeudi dernier. C'était apparemment un très bon concert, peut-être que certains d'entre vous y étaient présents. Effectivement, j'étais présent pour couvrir l'événement et c'était vraiment un gros show, on a vraiment apprécié. Pour le travail, une vraie communauté, que des fans, vraiment dans une très belle salle à Paris, vraiment super. Un plaisir. Super, bravo. Génial. À lui. GG à SO La Lune. Et on enchaîne tout de suite avec les actus, donc je vous laisse avec Roman et Hugo. À vous les gars. Alors on va vous parler des actus, de un peu les projets sortis cette semaine. On a eu Prince Lee, un beatmaker belge qui s'est essayé au rap. Un EP de 3 titres, Acte 1, Propulsion. On retrouve à l'intérieur un featuring avec Hamza qui est très très bon, on écoute ça tout de suite. Les gens méprisent, mais je maîtrise. Mon dos est plein de cicatrices. Si tu prends le risque, je prends le risque. Dans le viseur, je suis dans le viseur. Tu as des regards vraiment bizarres. Si tu prends le risque, je prends le risque. Je préfère quand les langues courent, ouais, ouais. Au moins je sais que c'est réel, ouais, ouais. Tu grimpes dans la chop chop, ouais, ouais. On a toujours fait ce qu'il fallait, ouais, ouais. Quand le hall empestait, seul le mépris restait. Nos rêves se perdaient, créant ses guettes. Les guetteurs guettaient, consistent en caisse. Le gras dans la chop chop. Ouais, ouais. Rouge Carmin nous a sorti aussi son projet Radio Futurista 2, on a bien apprécié. On a eu aussi du côté des States, Quavo et Takeoff qui nous sortent leur projet Only Built for Infinity Link. Les deux anciens membres des Migos, et maintenant ils sont séparés, Offset a quitté le groupe, malheureusement, force à lui. Madiba nous sort un projet Quantum, dessus on y retrouve Savage Toddy, SO La Lune, ou bien J9, on s'en va un extrait tout de suite. Je vais juste compter des reds pour pouvoir partir, non, moi je veux pas rester là. Une J9, ça va, dans 2-3 ans, t'inquiète même pas. Quand j'allume un joint, tu sais ce qui s'est passé sans mentionner la fin. J'suis pas content, tu sais on a faim. Dans pit, de finir la frappe, yeah. Louis sur moi, j'entends le chant des sirènes. Quand j'suis fucked up, j'ai même plus classé mes idées. Non, j'suis pas dans le club. Stop, dis, on va plus parler. Ensuite, on a le projet de Sevrance à l'époque. Dessus, on y retrouve 13 blocs, Dauzi ou bien Kalash Criminel. Pour les singles, on a le morceau de Leto et de Guy de Besbar, Fly. Un extrait du prochain projet. On s'en va ça tout de suite. OAT, c'est nous les go, c'est qu'on est prêts. C'est qu'on est eux, faut même pas les aider, c'est que des vendeurs qu'ils crèvent. Ils ont voulu nous la faire à l'envers. C'est dead, tellement d'oseille que je confonds la semaine et le week-end. On est comme Barbie et Ken. Le reste les emmerdes, nous c'est pas la même. Qu'ils aillent se faire Ken. Pour la famille. On a aussi le morceau de Zamdan et Banks Beat, P. Diddy. Comment leur dire ce qu'on endosse. C'est pas le même sang qui coule, j'ai des couteaux dans le dos. Ils m'ont vu à terre, prends mon envol. Mon potentiel maintenant, se calcule en somme. Moi, ce que je voulais c'était être libre. Non, les rebelles taillent tout ma belle. Non, chante. Sur des notes très tristes, illustré par ma vie dans le bando. Et enfin, l'épisode 3 de la série de Freestyle Next Up, cette fois-ci avec Kershak. Et voilà, c'est fini pour les actus. Ok, bah merci beaucoup les gars. Moi je vais terminer ces petites actus en parlant des annonces, notamment Favé qui a annoncé un son qui va sortir dans les prochains jours, Kershak qui a annoncé la sortie future de sa mixtape. Les Migos, ils se sont séparés, comme l'a dit Dylan ou Hugo tout à l'heure. Ah, c'était Hugo. Dinos, qui se arrivera à Paris le 4 novembre et qui a d'ailleurs sorti la cover. Et sinon, le rap français a été bien récompensé parce que Benjamin Epps a gagné le prix du meilleur flow international au BET Hip Hop Awards 2022. Ah, c'est fort. Félicitations. C'est fort. Moi, je suis un petit peu étonné de le voir là, quand même. Ouais. Ah, c'était contre Central-C en plus. Hein. C'était contre Central-C. Quand même, hein. Ça fait plaisir, de, ça fait plaisir de voir la France un peu représentée dans des remises de prix comme ça. Quoi. Yes. C'est sympa. Pour transiter vers le sujet de la semaine, qui sont les NJP, va se passer Relationship de Young Thug en feat avec Future. Et on se retrouve après. You know your phone is not trying to check us. Papa, it's feel like you Malcolm. I'm in a relationship with all my bitches, yeah. I need to cut some of them off, I need her. I got some bad things I wanna to myself. Gotta take the time to cut them off, I need her. I know how to make the girl go crazy. When you treat her like your number one baby. Put my bitches on yachts, we don't do jet skis. Put your ice on rocks, they need to help me. No, baby, your collection won't stand for it. You know you're in a relationship with all us. I get a few texts that day saying it's all yours. I got a few states on speed, they're like good drugs. Get in your bag, yeah, get in your bag, Hold new bricks for bread, Come to the street, new jazz, Turbo bitch by the drag. Nigga had M's for ass, got brand new bitch who that. Rock flood ain't pee all black. White toes give me a 10, cocaine kill it 10. All the bitch bong do a shine, all of my pick which kind. I made it a starter, you went from a dime to a quarter. I Chico the project, I leave in that loud an apartment, yeah. Don't be able to start it, I'm ready to spoil it. She's sucking my dick, I'm hiding in the closet. I'm hiding in the room, 3 mil in the room. You get silver spoon, I bought you some booms. Shining hard, go we back up. Rose gold from your neck up. You know you gon' get stopped trying to check us. Papa, it's feel like you Malcolm. Yeah. I'm in a relationship with all my bitches, yeah. I need to cut some of them off, I need help. I got some bad things I wanna to myself. Gotta take the time to cut them off, I need help. I know how to make the girl go crazy when you treat her like your number one baby. Put my bitches on yachts, we don't do jet skis. Put your ice on rocks, they need to help me. I don't do jet skis, give me the yacht keys. I made you queen status, check out my lean status. I'm in relationship with all my bitches, yeah. I put my dick inside her mouth before she left, yeah. I built relationships with all my bitches, yeah. I put my dick right in her mouth before she left. I got your bitch in a backpack. I paid extra for the crib, it got a kiss, yeah. I paid extra for the crib, it got a game wrong. Got a penthouse in the back, it ain't my main room. Tamika, Joe, and Portia kept it silent. That's the only reason I let them fly private. Shining hoe and go, we bank up. Rose gold from your neck up. You know you gon' get stopped trying to check us. Papa, it's feel like a Malcolm. Yeah. I'm in a relationship with all my bitches, yeah. I need to cut some of them off, I need help. I got some bad things I wanna to myself. Gotta take the time to cut them off, I need help. I know how to make the girl go crazy when you treat her like your number one baby. Put my bitches on yachts, we don't do jet skis. Put your ice on rocks, they need to help me. Et voilà, c'était Relationship de Young Thug, Fit Future. Et maintenant, on va passer au sujet du Nancy Jazz Pulsation. Alors, le Nancy Jazz Pulsation... Je suis coupé par Freaky. Mais qui voilà? Alors, qui voilà? Freaky. Alors, qu'est-ce que c'est Freaky? Freaky, ça annonce un blind test en aléatoire dans une playlist. Ça va se répéter plusieurs fois dans l'émission. La personne qui trouve le son qui passe gagne un point. Et on annonce les résultats en fin d'émission. Donc, les gars, est-ce que vous êtes prêts? Totalement prêts. Donc, faut savoir qu'on a créé une playlist en commun tous les quatre sur Spotify. Donc, c'est des sons qu'on écoute tous les quatre, plus ou moins. Il y a 50 titres. Et je lance en aléatoire là-dedans. C'est une playlist qui se modifie tout le temps. Vous êtes prêts? Yes, totalement. C'est parti. Bodies, Gazo et Damso. Waouh, j'ai allé super vite. Merci les mecs. J'ai Dylan. Est-ce qu'on s'en fait un petit deuxième, les gars? Allez. Et pourquoi pas? Pour le plaisir. J'ai besoin de cette dose. C'est allé très vite, hein. Il n'y a pas eu de fun. Ah oui. Et attention, c'est reparti. C'est Kershak, c'est. Moi, je connais pas du tout. Oh, je sais plus. Attends, c'est Kershak, je crois que le son c'est Kershak. Ouais, t'as raison. Le son c'est Kershak. Ouais. Kershak. Mais à qui accorder le point? Je sais pas. Attends, du coup, j'ai dit le rappeur, elle a dit le son, mais. On peut en donner un à chacun ou en refaire un. En vrai, le nom du son aurait été autre chose que Kershak, j'aurais gagné le point, mais j'ai rien à dire. tranquille. Bah, c'est fait, alors point pour Hugo. Et on repasse tout de suite sur les NJP. Alors le Nancy Jazz Pulsation, en fait c'est pas du tout au pluriel, je sais pas pourquoi je dis les. C'est un festival qui existe depuis 1973, donc c'est la 49e édition cette année. Et c'est, oui je l'ai dit, c'est une association qui accueille environ 100 000 festivaliers par édition. Cette année ça dure 10 jours, donc du 5 au 15 octobre. On va avoir des artistes comme Bernard Lavillier ou chez Lassou, qui sont quand même des grosses têtes d'affiche. Et aujourd'hui, on va vous parler de la journée de vendredi dernier, qui était une journée un peu rap, parce que le Nancy Jazz Pulsation a accueilli Dinos, Jazzy Baz et aussi la Mouse Party. Je vais vous parler des concerts de Dinos et Jazzy Baz auxquels j'ai assisté en partie parce que je suis bénévole là-haut. La soirée a commencé par le show de Jazzy Baz, qui nous a livré une vraie prestation. C'est assez beau à entendre. On a retrouvé des sons de lui qu'on connaît assez bien, comme Point Rose Spleen, son feat avec Laylo, ou encore son feat avec Alpha One. Pour l'accompagner sur scène, il y avait Edge. Edge le monsieur, avec qui on a discuté monsieur. Avec Dylan. D'ailleurs, quelqu'un d'assez sympa. Très très sympa, très très humain. Voilà. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et puis, il a pu nous toucher un petit mot sur le son qui va sortir avec Captain Roshi dans pas longtemps, sur la tape de Raplume. Il a dit qu'ils ont fait à peu près en mai et que ça va être très très chaud. Super. Ensuite, le concert a continué avec Dinos et là, les invités sont un petit peu plus controversés. Moi, j'étais plutôt satisfait. Hein. Il a chanté des sons comme Helsinki, 93 mesures, 15 sons de Dinos que j'adore, vraiment Le classique. Les frissons. ou encore du mal à te dire, bon, Damso n'était pas là, faut pas rêver non plus. On a reproché à Dinos de vraiment pas être resté longtemps et d'avoir un petit peu expédié ça. Ah ouais? Ouais, j'ai vu. Ouais, ouais. Dès la fin du concert, j'ai entendu de la bouche de plusieurs personnes, ouais, 40 minutes de concert. Ah, c'est vrai que c'est peu, hein, quand même, pour, voilà, un, voilà, pour un show. Mais en tout cas, ça fait quand même plaisir de voir le rap à l'honneur dans un festival pendant une journée entière. Dans surtout le, à Nancy. Voilà, dans le Nancy Jazz Pulsation, mm-hmm, qui est, bah, c'est dans le titre de base plus dédié au jazz. Du coup, on a aussi accueilli de minuit à 5h du matin, attention, la Mouse Party. Et je laisse Hugo vous présenter la Mouse Party. La Mouse Party. Alors, la Mouse Party, c'est tout simplement Mehdi Maizi, c'est un journaliste qui a animé des émissions comme l'ABCDR du son, La Sauce, encore avant Rap Jeu et aujourd'hui Le Code. Il produit aussi quelques petites soirées autour du rap. Et cette fois-ci, c'était à la Pépinière. Alors, c'est très rare qu'on ait ce genre de soirée à Nancy, du coup, ça fait plaisir. C'était au sein du Magic Mirror, une petite salle, un chapiteau avec des miroirs tout autour, très sympathique, où il a pu nous envoyer son DJ set. On en parlera après, on parlera plus de la vie de chacun. Cette soirée a été entrecoupée avec le concert de Makala. Roman et Dylan nous en parleront plus tard. Ça dure de minuit à 5h, très très long, mais que du plaisir finalement pour les fans de rap qui habitent à Nancy. Directement dans la pépinière, ça fait très plaisir. En plus, on a eu de la chance sur la météo, c'est hyper cliché de dire ça. Non mais si, voilà, au moins il pleuvait pas quoi. C'est vrai. Par contre, j'ai encore les chaussures dans un état catastrophique. Ouais. Vraiment. Et moi, je les ai lavées. Jamais mes chaussures. J'ai vraiment les chaussures dans un état catastrophique là. Mais c'était très lourd en tout cas, et je trouve ça un peu fou qu'il soit resté quand même. Bon, il a été coupé par un show de plus d'une heure, une heure et demie de Makala, mais il est resté quand même jusque 5h du matin, c'est fort. En parlant de Makala, tu voudrais pas nous le présenter, Dylan? Oh là là, je crois que tu m'introduis trop bien dans le sujet là. Je crois que je suis le roi des transitions. Alors, Makala, donc c'est personnellement un artiste que je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai découvert l'artiste un peu là-bas, et... Oh là là, non. Dylan se fait couper par le freaky infernal. Non. Ok. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Attention, ça rigole pas. Je connais pas. J9. Ouais. J9, et c'est... Vibe. GG. Waouh, félicitations, Hugo. Merci. GG. C'est fort. Et bah, Hugo qui marque un deuxième point. Oh là, il prend l'avance. Attention, hein, 2 points pour Hugo, 1 point pour Dylan. Oh là là. Roman et moi qui sommes à 0. On en bleu sang. Il nous lâche sur l'autoroute. Hugo, il est à pleine vitesse. Ça y est. Je disais, on a eu la chance de pouvoir voir un petit show de Makala, un artiste que je ne connaissais pas du tout personnellement et que j'ai eu l'occasion de découvrir en premier lieu dans un concert. Donc c'est vraiment très cool parce qu'on a pu voir son énergie, son identité musicale directement devant ses fans, devant la scène. Donc c'était vraiment très agréable. Je me suis renseigné un petit peu sur lui. C'est un artiste suisse qui rappe depuis 2012. Il a sorti un projet qui s'appelle Kao Kiss, qui est son deuxième album, et qui sort 3 ans après son projet Radio Suicide, qui avait énormément plu. Il est sorti le 1er avril. On retrouve dedans plusieurs collaborations avec des habitués comme Varnish La Piscine. C'était très très lourd. J'ai eu la chance d'écouter ça en sortant du concert parce que j'ai essayé de m'intéresser un peu plus à lui. Et j'ai pu me faire un petit avis sur une semaine en l'écoutant. Je trouve que c'est un artiste qui a vraiment son identité musicale. C'est vraiment un artiste très singulier. Il a une palette musicale énorme. Ça fait vraiment plaisir de retrouver encore des artistes comme ça. Il peut aller sur de la dubstep, sur un peu de la techno, sur du rap pur, rap kické, sur de la trap. Il est vraiment polyvalent, à souhait. On retrouve que des bangers dans son projet. Des flows rythmés, des flows autotunés. C'est vraiment excellent. En fait, quand vous lancez son projet de 16 titres, du 1er au 16e, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. Ça passe vraiment crème dans les oreilles. Vous pouvez écouter ça avec vos parents, écouter ça entre amis quand vous vous posez et tout. Et puis surtout, ces gros bangers qui passent bien en concert, comme on a vu sur scène, il a retourné salle où on déchaîné. Était. Vraiment, il a retourné la salle et moi, ça m'a choqué. L'interprétation qu'il avait sur scène, c'était vraiment fort. Ouais, moi aussi, il m'a impressionné. Ouais, parce que je pense qu'au niveau interprétation, c'est le meilleur artiste que j'ai vu personnellement. J'ai vu plein de concerts et tout, de 13 blocs et tout, mais j'ai jamais vu un artiste qui se donnait autant. Il se donnait vraiment à fond. La salle était pas propice à un concert de qualité, soyons honnêtes. Ouais. C'était disposé bizarrement. C'était plus soirée, quoi. Ouais, c'est clair. Et il s'en est sorti, quoi. Il a foutu le feu à cette salle en bois. Ouais, c'est clair. C'est dangereux. Et... D'ailleurs, on sentait le sol vraiment trembler. Le sol s'est cassé. Il y avait des trous dans le sol. Le sol était totalement cassé. Mais le concert, c'était vraiment une bonne dinguerie. Moi, j'étais bien surpris quand même. Ouais, je faisais déjà un peu en concert, mais non, il se prend pour une rockstar, c'est bien énervé. Voilà, c'est ça. Il est dans son rôle. Et vous avez vu quand il a tagué Kendrick dans une story ou pas? Oui. Et Kendrick, il a vu. Ouais, j'ai vu. Et puis il a mis un post aussi super cool à voir où on voit qu'il fait presque un 1v1 avec un mec du public qui chante son couplet et c'est trop marrant. Vous pouvez voir sur Twitter ou sur Instagram. C'est vraiment sympa. Sinon, ce qu'on peut retirer, on va dire plus profondément de sa musique, c'est que c'est vraiment un mec qui est en harmonie avec ce qu'il fait. Il ressent vraiment les prods sur lesquels il pose, ça se ressent. Il essaye de les faire vivre. Au-delà de poser dessus, il essaye vraiment de faire vivre sa musique. Et puis, c'est une musique qui lui permet de lâcher prise et de devenir meilleur lui-même dans sa vie chaque jour. C'est ce qu'il dit dans ses projets, ce qu'on retrouve dans ses lyrics. En tout cas, c'est une très bonne découverte. J'espère qu'on aura du nouveau de sa part très bientôt. Là, je sais qu'il est en tournée pour son projet Kaokis. J'espère qu'on aura du nouveau très bientôt. Moi, j'ai hâte de découvrir ce qu'il peut proposer. Et voilà, c'était tout pour la petite page Makala. Super. Bah mec, tu m'as archi convaincu. J'ai vraiment envie d'aller jeter un coup d'œil. Moi non plus, je connaissais pas trop Makala. Non, franchement, c'est vraiment lourd. Moi aussi, tu m'as régalé. En fait, si vous êtes ouvert musicalement, c'est ça le truc. C'est vraiment sympa. Alors, en plus, c'est hyper varié. Hyper varié. Il teste plein de choses. Même moi, il y a des choses qui m'ont pas forcément plu et tout, mais ça peut plaire à plein de monde et à ceux qui kiffent autant de la dubstep que du rap, que du jazz et tout. Il y a vraiment toutes les sonorités. Et bah, merci bien, les gars. Et je vous propose qu'on se retrouve après Music Sounds Better With You de Runa pour parler un petit peu de la Mox Party plus en détail. Oh là là, ça c'est un petit son qui me fait énormément plaisir. Ah, merci beaucoup. On va bien kiffer. Et ben on envoie. Ça va. Je sais même pas. Maman m'aime encore, qu'est-ce que je m'en fous. Sur des pianos, des guitares, je m'enroule. De votre haine déguisée en amour. Avec le temps, on aura tout ce qu'on mérite. J'avoue, c'est le papier avant tout, mais j'avoue que toi t'es ma cam. J'avoue que toi je te mérite. J'ai fait des choses un peu bizarres. Le grenier du cœur en bazar. C'est pour ça pas le droit au hasard. C'est pour ça choisis bien mes rimes. Je veux pas que tu sois que de passage. J'ai toi le feu de mon blizzard. Ça doit marcher, ça doit courir. Pour la musique ça doit mourir. T'as pas de chance, des fois j'en ai pas. Des fois j'ai du temps. J'ai pas de chance, chez moi c'est pour de vrai. Chez toi c'est du vent. J'ai perdu la clé, tu peux pas m'en sortir. Passe-moi l'essence, le zaza est chargé. J'ai dit les termes, dans tous les sens. Sors-moi. Bébé, sors-moi. Sors-moi. Bébé, sors-moi. Sors-moi. Sur ma tête, j'ai emporté la prime. J'suis le gars que tout le monde a dit perdant. J'ai l'espoir, le couteau dans la prise. Pas de bise, j'ai les belles. Yeah, j'ai lu tout ce qu'il faut dans le S. J'ai mis tout ce que j'ai sur le R. Et j'ai compté sur Dieu pour le reste. Je sais pas où est-ce que ça va finir. Je sais pas si tu m'aimes. Mais je sais que si je tombe, c'est mon cœur qui va prendre. Je sais que personne fera de gestes. Je vais pas changer d'avis, t'es un fils de ouf. J'ai trop froid pour retourner ma veste. Je vais juste te barrer de la guest. Je vais pas changer même si ça te vexe. T'as donné, moi j'ai donné le best. Je rappelle ça en 2017. C'est chelou de malade dans ma tête. Je suis à côté des prises dans la fête. J'ai douté de moi des millions de fois. Des milliards de fois. Dans ma tête et mon cœur, j'ai besoin de toi. Des milliards de toi. Je me sens tout petit face aux grains de sable. Au milieu de toi. Bébé, s'il te plaît, quand je t'écoute. Quand je t'ai fait, sauve-moi. Bébé, sauve-moi. Sauve-moi. Bébé, sauve-moi. Sauve-moi. Waouh, waouh, waouh. Oh là là là là. Attention, hein. Magnifique. Ce son. J'adore ce son, c'était vraiment très fort ce qui vient de se passer. Ce son est insane. La fin, la fin est vraiment abracadabrantesque. Je sais pas qui a été à la DA de ce truc, mais par contre, si c'est l'ingé qui a fait les petits jeux de prod là, c'est vraiment ça. Mais c'est pas D6 le producteur de Runa ? Je vais regarder. Je crois que c'est ça. Hein. Possible, possible, je sais pas si c'est lui. Je crois, je crois que Runa il est dans son label. Ouais. C'est un mec de son label. En tout cas, à la prod de Music Sounds Better With You, on a Abel 31. Ah. Un grand monsieur. Vraiment très fort, j'aime beaucoup. Moi aussi, un grand monsieur. Très grand monsieur. Un grand beatmaker. Et GG à lui. Oh non. J'arrête. Ok, et bah si vous êtes chaud, repartons sur la Mouse Party. Donc ce petit DJ set qui a été animé par Mehdi Maizi. Les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez pris du plaisir à danser sur ce parquet pendant 5 heures? Ah, énormément. Et ben voilà, merci. Moi, c'est fini, c'est bon. C'est... J'ai vraiment apprécié. C'était tout pour la Mouse Party. Voilà, c'est fin de sujet. Ah non. Non. Moi, j'attendais à ce que Dylan remonte. Ouais, que je parlé avant. Ah non, le roi. Okay, bon, plus sérieusement. Cette Mouse Party, moi, j'étais extrêmement hype par l'événement. Après, un poil déçu, pour être honnête, par certains sons qui ont été choisis par Mehdi Maizi. Il y a certains trucs que je m'attendais à voir qui n'étaient pas là. Et c'était peut-être un peu trop mainstream pour moi, mais en même temps, faut reconnaître que bah, il s'adapte à son public, tout simplement. C'est un choix intelligent. Mm-hmm. Il essaye de plaire à la majorité. On a quand même eu notre petit mauvais payeur en bien guy, tout ce qu'il fallait. Quoi. Des transitions qui font plaisir comme Prince Wally avec Freeze Corleone, Balotelli, il y a une transition de ça jusqu'à Fuck le 17 de 13 blocs avec les sirènes, etc. Ouais. C'était vraiment excellent. Et il y a Jazzy Bass qui a passé une tête aussi. Ah ouais, c'est vrai. Bon, avec Edge. Avec Edge, apparemment, il n'a pas été payé pour chanter. Oui, il n'a rien chanté. Du coup, ouais, il n'a pas chanté Fuji. C'est un peu dommage. Hein. Il a passé son son, c'est dommage, il aurait pu poser en vrai. Mais bon, il aurait pu. Hein. Mais moi, personnellement, j'ai bien kiffé. Après, c'est vrai qu'il a passé des sons, on va dire, qui touchent un plus grand public. On a retrouvé des sons qu'on retrouve sur les plateformes en ce moment sur les réseaux sociaux qui tournent beaucoup, comme Dai de Gazo. Mais en même temps, quand tu y es et que tu es au milieu, tu vois que tout le monde kiffe, tout le monde chante et tout. Tu comprends un peu aussi l'envie du DJ set. Normal. Des l'ambiance DJ de Mehdi. Ouais, l'ambiance était vraiment cool. Moi, j'ai pu voir une maman, je pense, d'une cinquantaine d'années qui se cassait la nuque sur un son de La Fève, je crois. C'était insane. C'était vraiment insane. Mais n'oublie pas aussi qu'on a quand même dansé avec un daron sur Fade Up. Hein, Daron, c'est gentil, Roman. Hein, il avait au moins 65 ans. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais en tout cas, il était bien heureux. Et pour tous les âges, bien. Tout le monde peut s'amuser. En vrai, c'était assez varié quand même. Il y a même du chef kiff, etc. Ah oui, par contre, vers la fin de soirée, il y a eu un petit set rap US. Ouais. Avec je, me suis, je me suis démonté ah, il était incroyable. Tous les membres du j'ai corps. J'ai vraiment adoré. Mm. Ah ouais, c'était bien insane. Avec du Travis Scott, Check West, Mo Bamba. Ah oui, il y avait un bon son de Chief Keef. C'était lequel son de Chief Keef? Ah, je sais plus. C'était Faneto, je crois. Ah, il y a moyen, mais ça c'était vraiment une dinguerie. Ah, c'était bien lourd. Non, franchement, bravo à Mehdi. Encore, c'était un plaisir de voir un petit event comme ça sur Nancy. C'était bien sympa. En tout cas, entre potes, nous on a bien kiffé. C'était bien lourd. Vraiment bon délire. Et voilà. Big asso à tous les bénévoles des NJP. Voilà, Big Elliot. Ils sont là pour ça. Et bah, c'en est fini pour le sujet de la semaine pour les NJP. On va se retrouver pour un petit Roland Gamos. Après, Captain Roshi, dis-nous tout, Dylan. Ah, Yakalelo. De Captain Roshi. C'est parti. A tout de suite. Hypnotic. L'amour, les filles, j'aime bien mettre trop de soucis. Seul tôt la nuit, je cogite. Si je perds de l'argent, c'est que le Covid. Mes frérots sont des cons qui tombent pour drogue, pas pour conduite. Débrouillard, je les aime comme ça, l'ami. Je me relève vite, je casse, je reconstruis. Retard, je barreau de la nuit, me pousse à sortir, faut s'en sortir. Je perds des Loki, mais m'endurcis. 16 puis j'étais pas ici. J'étais là où il y avait plein de couches tard. On m'a collé les arroses, mais le camp adverse en six dessous. Grandi avec le réel, m'a dessous. J'écoutais Kofi, puis m'a dit loup. On connaît la street, pas Malibu. C'est le jour de paye, j'en avance au rendez-vous. J'ai grandi dans le temps. Pas de billets en poche, galère juste pour m'acheter ça et tout. Maintenant grosse sacoche, quand je suis blasé, je m'achète tarpon de bijoux. Je m'achète tarpon de bijoux. Carabine, mais tu veux me faire rien caler l'eau. C'est peur en toucher le moteur, je roule plus c'est chaud. Carabine, mais tu veux me faire rien caler l'eau. Pleurant, toucher le moteur, je roule plus, c'est chaud. Là, je roule plus, c'est chaud. Belle femme et un bébé, j'aime pas te voir pleurer, un bébé. Mes absences, cette fille tous les week-ends. J'aime pas te voir pleurer, un bébé. Dans la nuit, on se désappe et tout. T'es la seule qui me désarme et tout. Belle femme et un bébé. Tu dis dites-moi pas caribou. C'est dur mais combat c'est tout. Tout ce que je te chante c'est ma vie. Je tente ma chance et tout. Je vise le million ou bien le sommet. Mais dans les deux cas c'est haut. Dans le tsunami reculez jamais. Même si on dit que c'est chaud. Grande attaque quand même bourré je la mets. Carabine mais tu veux me faire rien caler. C'est plein, toucher le moteur, je roule plus, c'est chaud. Carabine, mais tu veux me faire rien caler. C'est plein, toucher le moteur, je roule plus, c'est chaud. Là, je roule plus, c'est chaud. Belle femme et un bébé, j'aime pas te voir pleurer, un bébé. Mes absences, cette fille tous les week-ends. J'aime pas te voir pleurer, un bébé. Voilà, c'était Yakalelo de Captain Roshi et c'est parti pour un Roland Gamos. Alors je vais commencer par rappeler les règles et après on commencera. Alors le Roland Gamos, tout simplement, il y a un rappeur qui est tiré au sort. Le premier joueur qui joue doit trouver un rappeur avec lequel ce dernier a réalisé une collaboration, un feat, et ainsi de suite. Si quelqu'un ne trouve pas de rappeur pour combler le feat, eh bien il est tout simplement éliminé. Et on tire un nouveau rappeur. Donc je vais tirer un rappeur au sort. Et on va commencer le Roland Gamos. Est-ce que vous êtes prêts? Totalement. Oui. Ok. C'est parti. La semaine dernière, il me semble que Dylan et moi, on a commencé. Si vous êtes chaud, je propose que Hugo Roman commence pour un maximum d'équité. Ok. Et je tire, mesdames et messieurs, Josman. Josman qui n'a pas fait beaucoup de feats dans son début de carrière. C'est vrai. Alors, Josman a fait un feat avec... Pour être gentil, Laylo. C'est plutôt gentil. C'est très gentil, oui. Laylo a fait un feat avec Wit. Oh, wesh. Non, vrai, il y en a un, tu peux trouver. Non, mais attends. Il y en a un. Y en a un, on a écouté il y a pas très longtemps. Oh non, Wit a fait un feat avec Alpha One. Exactement. Oh, je suis sauvé. Ah, GG. Je suis sauvé. Lui, mais GG. Alpha One a fait un feat avec Big Less Ram. Encore eux. Ah, ça repart là-dessus. Ça repart sur Panama ND. Un feat avec The. Non. Bah si, forcément. Nekfeu, comme tu veux. Nekfeu, l'Estram, il y a eu. Ah ouais. Ok. Je crois, hein. Panama Vendé 1995, à l'époque, ils ont posé ensemble dans un studio, c'est sûr. Il y a pas un grunt entre les deux, un truc comme ça. Oui, il y a. J'ai peut-être de la merde. Mais... L'Estram, Nekfeu, il y a sur le projet Oui, San Andreas aussi, le son. Ah oui, d'Alpha One en plus. Du coup, Nekfeu. Ouais. Alors, Nekfeu, il y a pas un troisième mec sur le feat avec Alpha One. Ah bah si, c'est 3010. Non, c'est pas ce son-là. Aïe. Y a pas non. C'est San Andreas le son avec San Andreas, il y a que l'Esram et Nekfeu. Moi je parle de Nekfeu. Nekfeu, Alpha One et 3010. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Bah oui, totalement. Ok. Du coup, 3010. Super. Ah, 3010 à feat avec Infinite. Y a moyen. Possible. Dylan, pour la VAR. Qui est ce mec, Infinite? Infinite, mais si, c'est celui qui fait Red Bull. Positival, Alco Test. Alors je trouve pas de 3010 en feat. Pas de feat. Ah merde. Ah là là. Et bah GG à moi-même. C'est l'élimination. Faut GG dire à vous. Elliot. Et du coup, on va recommencer la deuxième manche avec seulement vous trois. Je vais vous tirer un petit rappeur au sort. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Ok. On commence. Je fouille. Et qui tire-je? Qui tire-je? Caris. Ok. Risca. Caris fit XV Barbar. Mais XV Barbar, c'est HB. C'est un groupe, mais du coup, il y a HB dans le groupe. Oui, tu veux. Leto. Oui, tu peux. Leto. Ok. Leto, Guide Besbar, allez, facile. G2B Rapisati. Ouais. Non. Complexe. Pas sûr. Attends. Non, en vrai, je connais pas. Attends, Rapisati mais... Ouais. C'est qui le 8? Rapisati, c'est un mec du quartier de Guy de Besbar. Ouais. J'ai déjà vu son nom passer. Il a fait un feat d'ailleurs avec Lefa, je crois. Ouais. G2B Rapisati. Exactement. Lefa. Exactement. Ouais. Interview ou quelque chose comme ça. Ouais. GG. Il y avait Codes aussi. Ouais. Codes la barrière. Allez, bah, entre vous deux, les gars, dernièrement. Okay, tiens, V1. Bien joué. Bien bonne joué. Chance. Ok. Ah, faut que je tire un rappeur au sort. Oui, alors, je fouille. Et attention. Oh maman. Attention. Ok. C'est le blind test. Est-ce que vous êtes prêts les gars? Oui. Comme d'hab. La fève Malo. Let's go. Bien joué Dylan. Oh GG. Bien joué Dylan. GG. On se laisse un petit peu quand même, ça fait pas de mal. C'est plus pour faire du bif, on a plusieurs façons. Je te fais la leçon, mauvais garçon. Malheur, j'ai deux bras sur le lieu, ils font des rotations. On est ici, on est là-bas, le plus important c'est celui de derrière. Ok. Du coup, 1v1. Est-ce qu'on se renvoie un petit friki ou pas? C'est pas obligé. On peut. Allez, hein. Pour le plaisir. C'est que du jeu cette émission. Ça fait 2-2. Et non, on a 0. Hein. On joue. 2 points pour Dylan, 2 points pour Hugo, alors que Roman et moi sommes à 0. Ah. Et c'est parti pour la suite. C'est. Ah ouais. C'est Bushy Parachute. Non, c'est le feat avec. Attends, c'est Bushy et. Peter Parker, Pete Musi. Ouais. Exactement. Let's go! Bien joué. Ah, bien joué, franchement. Sur le projet Bushy Type 2. Ouais, alors. Exactement. Ce projet et ce son sont pour moi des petits bangers. Et pour moi, c'est vraiment le meilleur son du projet, hein, je pense. Hein. Ouais. Vraiment petit délire. Moi, je connais pas le son là. Petit banger, le projet qui marque un peu du paysage. Il a gentiment mangé tout le monde. Ah ouais? C'est impressionnant. Eh bien, on est parti pour la manche finale de Roland Gamos. Ok, 1v1. Allez. 1v1. Moi, Roman, moi. Les gars, c'est parti. Chansco. Tu commences ou je commence? Vas-y, c'est Hugo qui a perdu, je crois. Non, mais moi, je suis éliminé là. Mais du coup, ça doit être à Roman de commencer. Ok. Alors, Chansco avec... Putain, je sais plus, c'est compliqué. Attends. Moi, j'en ai un, mais j'en ai pas deux, quoi. Moi aussi, j'en ai Chansco, un. Chansco, il y a un feat avec Take a Mike, je crois. Oui, félicitations. Bien vu. Bien vu. Par contre, Take a Mike... Alors là, Take a Mike, c'est compliqué, hein. Attends. Il y en a quelques-uns, en vrai. Moi, j'en ai un. Ah ouais? Ouais, un sûr. Là, je crois aussi. En plus, allez, Joker, Elliot. Mon feat... officiel de Take a Mike, c'est Chansco, ça fait que là... C'est quoi, c'est Christian Dior le feat? Non, c'est Kilomètre. Moi, c'est Kilomètre, le feat que je connais. Ouais, ok. Ouais, j'ai envie de tenter, mais je sais pas si ça existe avec Lefa. Oh, mais oui, ça existe. Ça existe, je crois bien que ça existe. Ouais, je crois aussi, hein. Ça me dit un truc, en fait. Je vérifie, le clavier est à plusieurs kilomètres. Take a Mac, Lefa, en effet, sur ça fonctionne. LDT, attendez, je crois que c'était un son, pourquoi j'arrive pas à le retrouver? Peut-être parce qu'il n'existe pas. Si, je suis quasiment sûr que ça existe. Voilà, LDT, Dry, Lefa, Take a Mac, ouais. C'était pour valider. Ok, bien joué. Voilà ce que je me disais. Alors Lefa... ça repart. Pour la BO de valider. Lefa, ouais. SCH. Ouais. SCH, Laura Luciano. Sur la loi de la cahier. Et même sur Fantôme, sur du Loose 2. Laura Luciano avec Lino. Une matière, donc. Vas-y, continue, Dylan. Lino avec Medine sur Grand Paris. Medine avec Oxmo Puccino. Ouh. Oh là là. Oxmo Puccino, par pitié, j'espère que ça existe, avec Kerry James. Ah, y a moyen. Mais je pense que ça existe. Hein. Fit d'ancien. Ah oui, fit de gros ancien, à mon avis, ça existe. Oui, sans abri, bonus. Kerry James avec... Puccino. Avec Orelsan. Orelsan avec... Kerry James Orelsan. Oui, je pense que ça existe. Okay. Moi, je pense que ça existe. Orelsan avec... Damso. Ok, ok. C'est une belle finale. Hein. Ah, là, c'est fort. Damso avec... Alors. Fini. Comment finir avec Damso? Ah, moi, j'en ai un pour finir très vite avec Damso. Moi aussi. En vrai, je pense qu'il a... Attends, je suis con de fou, quoi. Damso avec Loose and the Yakuza. Voilà. Et il y a un feat, mais un peu complexe. Loose and the Yakuza et Angèle. Non, il n'y a pas. Je crois pas non plus. Je vérifie. Dommage. Non, ça n'existe pas encore. Mais ça va exister. J'en suis persuadé que ça va exister. C'est pour bien ça arrive. Mais il y a un son avec Sfera Ebbasta, je crois. Et Hamza aussi. Ah ouais? Loose and the Yakuza, ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est... Comment il s'appelle déjà? Ok. Sans toi, un truc comme ça. Ouais. Oh, je connais pas. Ah, c'est vrai. Bah bravo Roman. Hein. Merci. Bravo, c'est très fort. Félicitations Roman. Tu as gagné le droit de faire une chronique sur Maïro. Allez, c'est parti. Je te félicite. Merci. Et ben je te laisse le micro, c'est parti mon pote. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du rappeur Maïro. C'est un rappeur suisse, plus précisément de Genève, membre du collectif Super World Click et proche des XM Boys, donc de Makala, Slimka et Dime. Et on se met tout de suite un extrait de 98 avec ce dernier. C'est parti. Eh, hey, à 50 ans, je suis lourd comme J-Hove. Les bien-pensants, je les baisse trop. Une Lexro, à 50 ans, une J-Lo qu'à 50 ans. Faut qu'un test, un destro. Je veux age comme Marco Mouli, je me démarque au chromie. Dans un mood, Eito ou Deco, au Barça. À Barça, les taux se resserrent, je les observe. Ils ont plus de cervelle, ils ne restent devant les portes de l'enfer. Comme un Cerbère. Snitch 1, mec qui se mêle de la vie 1, mec qui fait des dièses honnêtes, qui joue pas les types bien. Pitch 1, pitch 2, et j'ai 99 problèmes. R9, Zizou, comment 98. Il a 3 EP à son actif, donc 365, 95 bandes libres, et enfin Rouge Mort. Ça marque son deuxième projet en collaboration avec son frère. Le style, c'est toujours dans le même thème, mais en plus poussé et en plus maîtrisé, donc ça donne un petit vent de fraîcheur à sa musique. On peut retrouver Maïro qui multiplie des phrases plus introspectives au milieu de son habileté qui est déjà confirmée dans l'Ego Trip. On l'a aussi aperçu récemment lors du Gone de Agen Crack avec Beamer et Winter Zuko. On se met un extrait d'eux sur la prod de Tête Brûlée de Lunatic. Dans ma team, on a des atomes crochus. T'es trop au-dessus, y'a des sales profiteurs. Quand tu veux péta, laisse tes sapes au videur et rentre avant 8h. Tu veux bédave, tu laisses ta copine seule, mais t'es complètement con. Tu gères les caves, tu dis que t'es le comme le pitbull du quartier. Je m'écarte, ils sont casse-pieds, je vais m'écale. J'écoute du Casper, je fais mes calculs. Je suis fan d'eux, c'est mes gars. Hein, eux, quand ils ont pas de bœufs, c'est les caves. Hein, ce matin, je suis pas heureux. AFK, je relevise mon cœur comme le KGB. Mon crâne, son KGB. Ok, juste toi la Fashion Week, hein, qu'on est fâché. Oui, c'est vrai que zinc. Moi, je suis pas chez moi, mais je suis pas chez lui. Hein. Il explique dans une interview pour Red Bull qu'il essaie toujours de perfectionner son écriture et ce qu'on peut ressentir en écoutant l'utilisation des multisyllabiques, les nombreuses punchlines ou seulement quelques phrases anecdotiques comme « La fierté était gratinée mais le taco s'était gratiné ». Allez, c'est le gros mangeur. Je crois que c'est dans Rap Mag d'ailleurs. Ouais, exactement. Et dans la fin de son interview pour Red Bull, on lui demande à qui il aimerait faire une session studio. Il répond « Infinite » pour cracher le feu dans la cabine. Et enfin, pour finir la chronique, la veille de son concert à la Boule Noire, le 21 septembre, il sort le single Rap Mag, extrait de son premier album M.I.R. Un couplet unique, on s'envole son tout de suite. Moi aussi, je voulais être comme eux, plat pack, backpack, je repars péter un Rap Mag. Quand je sors, j'oublie pas de mater, c'est dingue. On m'a dit tu dois t'adapter, j'ai pas capté. Là j'ai rempli la boule noire, du succès qui m'attend. D'après les bruits de couloir, y'a moyen que ça pète bientôt. Jette mes gars, donc je jette mes cartes. Je suis à deux doigts de presser à deux doigts, fort sur la gâchette, mes calmes. J'ai ma paume sur chaque mic, dans la légende comme chaque mic. On m'a dit sois pragmatique, j'ai pas capté. Ça c'est illégal, zig, il pompe là, il fait la spi. J'ai toujours donné mon amour, mais il le gaspille. J'ai dit que j'écoute les has-beens, les mêmes qui révolutionnent. Les fils de la lune qui volent au niveau du sol. En ce moment je fais du son à longueur des jours. Faut que je fasse les sous à la Rock Nation avant que je l'échoue. Arrête les cils et si magré, rajoute 6 décimales. Je fais des matchs, dessine mal. Ok, merci pour la force et merci si t'as cons. Bravo Maïro et félicitations. J'écoute les rappeurs et je fais des citations. Ce monde de merde il te montre que si on tend la main, c'est à contre-coeur. Mais si t'as du PQ ou que tu sors de cellule et que t'es une âme perdue, viens là on te recueille. Viens là, on va te faire une place ici. On va te montrer, on va tout apprendre. Je suis même pas à 30%. Yeah, La vie est une punchline. La mort en est une autre. Monde libre et piraterie. Je crois qu'ils ont pas capté l'approche. Je rappe et j'ai la cote, va pas me p*** la gueule. C'est simple comme ABCDE, je vais pas baisser les yeux. On va vite s'évader, on va alléger le jeu. C'est toujours la même histoire, sûrement un noir qui a fait naître le rap. Et c'est des blancs qui le font tapiner. La fierté était gratinée, mais le taco s'était gratiné. Donc ça va, tant qu'on tient pas quatre. Les sorcières, elles me font peur comme Chewbacca. Comme elle et Boubacar, chacun ses craintes et le DJ joue ma cam. Avec mon père, je faisais le fier, je l'écoutais pas, je prenais une gifle. Mais ses souvenirs de guerre, je les écoutais, je prenais une gifle. Je me bougerais pour l'Érythrée avant de m'engager contre la fonte des glaces. Je suis gamin du fond de la classe, c'est mieux, ils me font de la place. L'heure de mon avènement a sonné. Ils ne pourront pas gâcher ça. Et voilà, c'était Rap Mag de Maïro. Roman, un petit mot à dire pour conclure ta chronique ou tout est bon pour toi ? Oh, tout est bon, c'est nickel. Ok, bah merci beaucoup. Moi, j'ai découvert Maïro pendant que tu écrivais cette petite chronique. Pour ouais, la c'est pas bien, franchement, j'ai apprécié. Donc, tant mieux. Ouais, le son, il fait plaisir, ouais. Ça kiffe bien, c'est bien lourd. Ouais, ça rappe bien. Et j'ai hâte de voir ce que ce jeune homme va devenir, finalement. C'est clair. Il fait partie quand même d'une petite génération, mais je crois qu'il est pas jeune par contre. Hein. C'est vrai qu'il a pas une tête de jeune. Ouais, je crois qu'il est pas jeune. Je crois qu'il a quand même une bonne 26, 28. Genre. Bon, c'est jeune, mais. Ouais, c'est la fin de la jeunesse quoi. Comparé au petit, ouais, voilà, comparé au petit d'aujourd'hui comme la fève, tu vois, c'est. Ouais, j'ai appelé la fève mon petit quand même. Hein, ouais, le petit, c'est ton petit peu en fait. Faut que j'arrête. Hein. Et bah. Ah, là. Ah toujours. J'ai même pas le temps d'amorcer mes transitions. Non. Il laisse aucun temps, Freaky. Je me fais couper par Freaky. Vous êtes prêts les gars ? Un jour Freaky ouais. Fera le Freaky en IRL dans ce studio. Ah oui, enfin, j'attends force. Hein. C'est évident. Ah oui. C'est prévu. Attention, ça va très vite. On appelle. Ok. La F. Moi je connais pas. Saint-Patrick. Let's go. Bien joué. Okay. Bien joué. No cap. No cap. Hey. Tous les héros portent pas de cap. No cap. Bien joué. Vraiment bien joué. Hein. Je l'avais pas là dans tous les cas, mais. Moi non plus, je l'avais pas. Ah, moi, je suis pas un énorme amateur de la F, mais le son est lourd, vous pourrez écouter en vrai. Il y a quelques sons pas mal en vrai quand même. Ouais. Et bah, les gars, je crois que ça va être l'heure du débat. Allez, est-ce que vous êtes prêts ? Totalement prêts. Toujours. Hein. Et bah, c'est parti, je sors mon bonnet magique. Est-ce que vous pouvez deviner de quelle couleur mon bonnet est ? Il est sous la table, vous le voyez pas ? Rose. Jaune. Bleu. Il est mauve. Ah, totalement mauve. Il est complètement mauve. D'accord. Et attention, je tire un sujet de débat. Et aujourd'hui, on va débattre sur le rap français a-t-il quelque chose à envier au rap US ? Attention. Ouh, intéressant. Oh, déjà, est-ce que ça vous dérange si je laisse un petit peu de son ? Non, pas du tout. Mmh. Pas de problème. Et bah, c'est parti. Alors, le rap, pour moi, quand on me dit rap, c'est quand même les US avant la France. C'est-à-dire que quand je pense naissance du rap, du hip-hop quoi, dans les années 80, début des années 80, moi je pense aux USA quoi. À Tupac, etc. Oui, non, voilà, c'est ça, Tupac, West Coast. B.I.G. Mais ouais, aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment dire que le monde entier s'est approprié le rap ou est-ce qu'il y a quand même une chose qui est aux États-Unis et qui restera là-bas et qu'on n'arrivera pas à leur piquer ? Est-ce qu'il y a un monopole américain sur le rap ? Est-ce qu'il y a un monopole aujourd'hui américain ? C'est vrai qu'il y a des gros artistes. Ouais, bah ouais. Il y a des Drake qui explosent, si on parle chiffres, qui explosent des records. C'est n'importe même quoi. Top 1 en Inde. Ah oui, non, ah oui top 1 partout. Dans tout le monde entier, international. Et il est comparé, dans le domaine du rap, il est comparé à MJ, Michael Jackson pour la pop quand même, donc c'est pas n'importe quoi. Et ouais, pour revenir à, comme t'as dit, aux origines, ouais, Elliot, le hip-hop est né dans les années 70 à peu près, dans le Bronx, où ils faisaient des events dans les rues et tout, ils sortaient leurs enceintes, leurs sonos, les platines. C'est East Coast, ah, oui. Ça vient de New York, il me semble. Je sais plus du tout, mais moi, je sais que... c'est New York. Ouais, le Bronx, je crois que c'est New York, ouais. À l'époque-là, ils sortaient avec leurs platines, et ils sortaient faire des petites soirées dans la rue et tout, dans la banlieue du Bronx. Et c'est comme ça qu'est né un peu déjà le DJing, donc ce qui est le principe de mixer tous les sons. Et à travers le DJing, les mecs ont commencé à rapper leurs textes, donc à partir de là et tout. Et c'est comme ça qu'est né, on va dire, à peu près le rap. Après, on a eu des Eazy-E, des Wu-Tang qui ont ramené, qui ont popularisé ça avec Tupac. Avec DJ Screw. Voilà, exactement. Avec des sons comme California Love, ouais, qui énorme banger, bien tourné. Bah oui, ça, du rap. Voilà, ça a pris des proportions énormes. Je crois, je veux pas dire de bêtises, mais C'est un des rares sons à l'époque là qui a su se faire écouter autant aux États-Unis et à être autant populaire. Donc au niveau de l'amorce du rap, c'est vrai que à ce niveau, les Américains n'ont rien à envier à personne. Ça c'est voilà, sûr. Oui, ça, c'est vrai. Mais nous, on a des choses à leur envier. Voilà. Après, dans les quartiers français, on va dire, on a essayé de reprendre les mêmes habitudes. Ouais. Donc pour se mettre dans la culture du hip-hop et du rap, mais en ce qui concerne la page actuelle, les gars, moi je vous laisse vous donner votre avis pour l'instant, on rebondira après nous. Mais déjà la question c'est, est-ce que la France a envie à quelque chose aujourd'hui au rap américain? Est-ce que ça s'améliore? Est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est plus mainstream? C'est vrai. Moi le rap français me comble quand même. Je pense que j'écoute plus de rap FR que de rap US. Ah oui. Mais je reconnais que la notoriété des rappeurs US, je veux dire... Je blâme pas, mais un Booba égalera jamais la notoriété d'un Snoop Dogg ou de Kendrick Lamar, quoi. Ouais. Après, c'est aussi par population, mais si on parle musicalement, est-ce que tu penses qu'un Booba est plus libre artistiquement qu'un Travis Scott? C'est pas impossible. En vrai, pas forcément. Est-ce que les Français arrivent à être libres sur les productions, sur les flows, etc. Autant que les Américains? Trop de mainstream en France, tu penses? Non, mais peut-être pas assez de prise de risque. Peut-être un manque d'ouverture d'esprit du public aussi. On peut le voir des fois comme en 2015. Je sais pas si tu te rappelles Dylan avec Hamza qui sort son freestyle Bouscapé Baby Mama. Tout à fait. Il avait un flow très américain sur le son. Très bon son quand même. Mais c'est sûr, et des mecs qui ont repris un peu le style des Américains, à l'époque c'était Niska, ou c'était Chirac à mort, comme à Chicago. Et Chirac. Voilà, Chirac. Des sons comme ça, ça respirait le rap de Chicago, le rap ce qui se faisait, et surtout la trap. Et moi ce que je trouve sympa aux États-Unis, c'est que au niveau du rap, il y a rien qui est washed. Il y a rien qui est périmé là-bas. Tu vas faire de la trap de 2014 à 2023, 2022, il n'y a jamais personne qui va te dire, ouais, vas-y, le mec là, ça fait 10 ans qu'il fait de la trappe, il a encore sorti un projet en faisant de la trappe. Il y aura toujours un public. Voilà, il y a toujours un public et les gens, ils écoutent l'artiste pour ce qu'il propose. Ici, les gens, dès qu'ils attendent que leur artiste tente d'autres choses, ça plaît plus direct et dès que ça plaît plus, ça lynche sur les réseaux. Bon, aux États-Unis aussi, ça existe. Hein. Oui, mais. Par exemple, Drake, là, il s'est fait quand même un peu lynché sur les réseaux à la sortie de son dernier. Beaucoup de gens ont dit que son dernier album était de la musique d'ascenseur. Ouais, voilà. Non, c'est vrai. Ouais. Mais tu vois, au-delà de ça, après, les gens, ils prennent le temps. Je sais pas si c'est une impression, hein, mais là-bas, j'ai l'impression qu'ils prennent le temps de réécouter les projets et tout. Et là, aujourd'hui, le projet de Drake, il tourne, tu vois. Genre là, aujourd'hui, les gens là-bas, ils l'écoutent. Des sons qu'il a sortis sur le projet, ils tournent à mort et tout. Moi, je trouve que c'est sympa, tu vois. Ils ont une palette artistique plus libre. C'est plus ouvert. Alors qu'ici, bon, on retrouve surtout des jeunes qui ont un peu la liberté artistique. Ouais, dans c'est le milieu parisien. Les indés, ceux qui sont en indé, qui sont pas encore signés, ils ont la liberté artistique. Mais comme tu dis, ouais, niveau liberté, c'est vrai que, par exemple, des rappeurs comme Nino, quand il a sorti son morceau Drill, il s'est fait incendier sur Twitter. Ouais. Même tous les rappeurs qui sont laissés à la Drill, tout le monde les a commencé à les insulter parce que c'est. Quand t'es pas un driller, tu peux pas faire de morceaux, selon certains. Voilà, c'est ça, par exemple. Du coup, niveau prise de risque, etc., ce qui est un peu complexe, quand même. Ouais, voilà. Ici, par exemple, la drill, c'est pour gazo, ou on va dire, tu vois. Ouais, voilà. Et si t'es pas gazo, t'es pas légitime de faire de la drill. Moi, je trouve ça dommage, tu vois. Et en même temps, si Freeze Corleone ressort un album de drill pour son prochain album, il y a moyen qu'il se fasse fire sur Twitter. Et que tout le monde dise, il fait que de la drill, arrête de te répéter. C'est vrai que c'est compliqué. Alors qu'on ne demande pas à Freeze Corleone de chanter, ni à nous faire des mélodies. On demande qu'il découpe, etc. Du coup, c'est pour ça que. Ouais. Non, franchement, après, moi où je peux donner un peu mon avis, c'est au niveau des prods. En France, c'est tout un autre monde. Niveau de la production musicale, niveau du beatmaking. Déjà, au niveau de la reconnaissance, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Au niveau de la reconnaissance, là-bas, des grands beatmakers sont reconnus autant, voire plus que des gros artistes. C'est vrai, hein, Metro Boomin. Ouais, voilà. Arrête, Chips. Non, mais oui, voilà, des Metro Boomin, Mike Dean, tout ça avec Travis Scott. Ah, le mec, il a 60 ans de carrière presque. Kanye. Bon, j'abuse un peu, mais tu vois, Kanye aussi, Dre, c'est des mecs Timbaland. Ouais, voilà, tu vois. Ils ont la reconnaissance et la renommée. Ici, t'as beau avoir produit pour PNL. T'as fait les classements Spotify dans le monde entier et tout. Personne connaît ton nom, hein, à part les adeptes. Tu vois. Peut-être C'est vrai qu'un projet de Icaz Boy aura jamais autant d'influence qu'un projet de Metro Boomin. J'ai l'impression que ça se diversifie quand même en ce moment. Icaz Boy, il a Quavo et Travis Scott. Ouais, ouais. Freaky et, prod. Et Freaky est canadien aussi. Ouais. Ah ok. Il a plus cette vibe. Ouais. Ah, et puis Freaky est très affilié avec Wanda Girl, qui est une fille qui prod beaucoup là-bas aux États-Unis pour Migos, Travis et tout. Qui est un peu affilié à Bushy aussi en ce moment avec Time Taken, le producteur très chaud. Il y a une connexion. Ouais, c'est clair. Et après, ce qui est sympa en dehors des prods, moi je trouve, c'est que ça ouvre, on va dire, grâce au beatmaker, des frontières pour des featuring super intéressants. Par exemple, Hamza et Offset, là, ils ont un featuring qui est prêt, qu'il a joué en festival déjà une fois, et qui a été organisé pendant la visite de Offset à Paris, qui a été fait entre les contacts d'un contact, et etc. Et je crois que c'est Ponko à la prod, tu vois. C'est cool, mais d'un côté, personne va se dire, ouais, Ponko est la prod pour Offset et Hamza ici, tu vois. Alors que aux States, tu prods un morceau, on va dire, tu fais un gros Drake, Lil Baby, les gens ils connaissent, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et là-bas aux États-Unis, il y a une vingtaine, trentaine de tags de beatmakers, tout le monde les connaît. Ouais. Tu vois, tout le monde sait à qui ça appartient. Ici, tu les entends, mais tu cherches pas plus, tu vois. En France, il y en a peut-être 5, hein, avec les beatmakers de Bouscapé, etc. Exactement. Tu vois, comme Guilty, le producteur d'SCH. Ouais, voilà. Mais sinon, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ouais. Donc après, ouais, je pense les au gens niveau. Sont plus ouverts. Voilà, là-bas, c'est très, très ouvert d'esprit. Après, je pense niveau talent. On n'a rien à envier. Il y a des artistes très, très, très talentueux, des beatmakers très talentueux. Et au niveau créativité et amener quelque chose de nouveau, on peine un peu plus quand même. Je pense que ça Actuellement, ça va. Oh, franchement, ça commence d'ici vraiment. Une dizaine d'années. Ouais, ouais. Mais on je pense se démarque. Que si on a vraiment un truc à envier, c'est peut-être les concerts quand même. Niveau ambiance, etc. Quand tu vois des Tyler the Creator à Saproki. Les gros shows américains, mais. Parce qu'en France, t'en as quelques-uns qui commencent un peu. Il y a Uzi. Ouais. Il y avait Makala du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, mais. Ah, c'est vrai, des gros scènes, les gros concerts, les zéniths, c'est vraiment un travail sur la scénographie et tout, comme aux États-Unis, mais il n'y a pas la flamme qu'il y a là-bas quand Baby Kim il joue son morceau. Et que... J'étais sûr que t'allais parler. Grosse dinguerie ça. Quand Baby Kim il joue son morceau, tout le monde casse tout, tu vois, c'est exceptionnel, tu vois. Et ici, ça va mettre du temps, à mon avis, à ce qu'il y ait un artiste qui gère la scène autant, tu vois. Et même une grosse tête qui fait un gros concert aux US et en France, c'est pas pareil. Comme on a Nino qui fait un gros concert, ça va pas être la même ambiance. Voilà. Après, Laylo m'avait bien surpris quand même avec ses deux versets. J'étais pas là-bas, malheureusement, mais j'ai pris une petite claque. C'était un petit banger de notre point de vue, j'ai trouvé. Laylo très inspiré de Travis Scott aussi, au niveau du show, des flows, des performances. C'est vrai. Du coup, je pense qu'il y a un petit délire inspiration américaine. Sinon, pour revenir sur la créativité, moi, je trouve que là, chez nous, il faut miser sur les jeunes. Vraiment, il faut miser sur les jeunes artistes franco-suisses, franco-belges, les jeunes artistes français. Ah oui, excuse suisse de fou, là. Mais des jeunes comme Runa et tout, Khali. Là, c'est eux qui vont ramener un vent frais de ouf, à mon avis. Ou peut-être seront-ils des éternels rookies. Peut-être que ça sera le débat de la semaine prochaine. Ah, je sais qu'il est présent dans le bonnet de débat. Et bah les gars, si tout est bon pour vous, je pense qu'on peut finir l'émission là-dessus, ainsi que le débat, à moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter. Non, non, mais la prochaine fois, on mute la chaise, s'il vous plaît. C'est compliqué, c'est le micro aussi. Hein. Ah oui. Non, c'est plus la chaise. Ok, je vais clôturer ce débat en annonçant les résultats du blind test. On a Roman qui se retrouve malheureusement à 0 points. Oh, mais une belle participation. J'ai marqué 1 point, j'ai sauvé l'honneur. Ensuite, on a Hugo à 2 points. Félicitations, Hugo. Yeah. La victoire revient à Dylan avec 3 points qui gagne ce blind test cette semaine. Félicitations, Dylan. Let's go, merci. C'est très fort, c'est très très fort. Voilà, cette émission touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés une semaine supplémentaire. On a parlé aujourd'hui d'NJP et de Myro en particulier. J'espère que ça vous a plu. Et je vais laisser Dylan annoncer le son qu'il désire passer puisqu'il a gagné le blind test. Et Dylan, écoute, Elliot, on va se passer Prendre l'air de Josman qui s'est retrouvé dans le projet 000 dollars. Voilà, exactement. Très bon projet, moi, mon préféré personnellement. Paris. Donc, on va se passer ça. Je laisse Elliot dire les petits mots doux de la fin et on se balance ça. Et bah, merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode TRA de la Trap House. Bonne journée. Bonne journée à tous. Hey, prendre l'air, l'air de rien, rien à faire, faire le taf, prendre l'air, l'air de rien, rien à faire, faire le taf. prendre l'air, l'air de rien, rien à faire, faire le taf, prendre l'air, l'air de rien, rien à faire, faire le taf. Je suis avec elle, elle est contente. Comment elle fait quand je suis pas là? Elle me casse les, on est consciente. Elle croit que je lui raconte des salades. Eh vas-y arrête, fais-moi confiance. Arrête de croire que je te balade, que je te mène en bateau et du bon sens. Heureusement que je maîtrise mes palabres. Mon petit doigt me dit de prendre soin d'elle. Elle me dit prends-moi dans tes bras. Je me dis qu'on réglera ça dans ses draps. Donc je m'emballais, je roule un joint d'herbe. Prendre l'air, l'air de rien, rien à faire. Faire le taf, prendre l'air, l'air de rien, rien à faire, faire le taf, prendre l'air, l'air de rien, rien à faire, faire le taf, prendre l'air, l'air de rien, rien à faire, faire le taf. En vérité au fond je la kiffe, trop compliqué pour que je la quitte. Elle se porte bien, enfin j'espère. Y'en a pas beaucoup qui méritent le respect. Putain, je suis un ouf, qu'est-ce que je raconte? Non, non, franchement, c'est une vraie go. Et elle s'occupe bien du négro. En plus de ça, elle a de la conce. Avec elle, je high même quand je fume pas. T'inquiète pas, les autres, je les calcule pas. Oh putain, fuck, c'est reparti. Eh, hey, vas-y, je bouge, j'ai parti. Je vais prendre l'air, l'air de rien, rien à faire, faire le taf. L'air de rien, rien à faire, faire le taf, prendre l'air, l'air de rien, rien à faire, faire le taf, prendre l'air, l'air de rien, rien à faire, faire le taf.